Patris et Philippe, Spiritus Sancti, vadimi cum di profundis, Padre Victor, ici finis, humani et aries, vadimi trop, satanique fesse, corpus Christi sortirait, chute comme la braise carpinienne, alliage à ta haine. Pardonnez ma sœur, mais vous voyant déambuler dans le cloître à l'heure des vêpres, je fus ému à me tendre, observant votre beauté muette. Pardonnez-moi, mon Dieu, mais nom de Dieu, je suis un homme et je veux baiser. Sous vos habits de nonne, vos fesses couleur d'albâtre, j'ai beau être un saint homme, j'ai aussi mon sacro-saint pieux que j'enfilerai bien dans vos fesses. Allez ma sœur à quatre pattes, pardonnez-moi mon Dieu, mais nom de Dieu, je suis un homme et je veux baiser. Et camoufler ma trique grâce à des slips Tefal, je pense à vous ma sœur par devant et par derrière, accroupi à genoux, exaucant mes prières. Et si Satan m'habite, c'est bon, approchez jolie demoiselle, le septième ciel pour l'ascension et bourrez une dame pour Noël. Je suis un homme de Dieu, mais nom de Dieu, je suis un homme, ras-le-bol de la compote, je croquerai bien la pomme. Pardonnez-moi mon Dieu, mais nom de Dieu, je suis un homme et je veux baiser.